fort intéressant. Vous allez l'entendre dans Lucidité, qui est attiré de son album No Time Like This Time. Vraiment très belle chanson de Robert Walsh, là, qui a réalisé les albums de plusieurs artistes en Alberta et aussi fait partie de la formation Allé West. On va entendre aussi celle que j'appelle ma muse, donc une de mes muses du côté de l'Ouest. Il s'agit de Marie-Josée Ouimet. J'adore ce qu'elle fait, cette fille-là. J'aimerais ça qu'elle sorte un nouvel album. Ça serait intéressant, me semble. Trois albums qui ont été réalisés justement par Robert Walsh. Le dernier, L'heure bleue, magnifique, avec de très bonnes chansons. Et les trois albums ont de superbes chansons. L'heure bleue, il y avait cette chanson qui s'appelle « Sourire demain ». Très beau texte, très belle mélodie, un peu blues. Une certaine lourdeur au niveau de la mélodie, mais quand même fort intéressant. Donc, on va entendre ça dans quelques instants. Et on va terminer en revenant au Manitoba, Marie-Claude McDonald. Selon moi, la plus belle chanson écrite pour une maman. Ça s'appelle tout simplement « Maman ». Très, très belle longue pièce de Marie-Claude McDonald. Mais pour l'instant, voici « Lucidité », Robert Walsh. De pluie, j'ai perdu toute envie de sortir de la maison. Je prends refuge dans ma télévision. Ma bouche appelle une cigarette. J'ajoute le feu en ma santé. Pour un instant de lucidité, j'ai la mélancolie. Statique, jour après jour, jour après jour, tout se répète encore une fois. Je perds la tête. Living d'ivresse ont perdu leur saveur. Ma bouche a pour ma santé. Pour un instant de lucidité, je m'enterre dans mon lit pour fuir un oncle lundi. Ma chambre est un navire empli de rêves qui apaise, qui m'apaise. Pour un instant de lucidité.

toujours bien occupé à tout donner. Maman, tu es si bonne. Maman, ta voix résonne. Je me souviens de toi, j'étais souvent entouré de tes bras, souvent rempli de l'amour que tu me donnais. Je me souviens de toi comme tu l'étais autrefois. Maman, si petite, si fragile, maman, si tendre et si docile, tu voulais nous faire croire que tu étais si forte, maman, mais tu allais souvent pleurer dans ta chambre. Mais tu oubliais parfois de fermer la porte, maman. Et je pleurais pour toi, mon boudoir. Je me souviens de toi. J'étais souvent entourée de tes bras, souvent remplie de l'amour que tu me donnais. Je me souviens. Maman, je croyais te voir vivre jusqu'à 100 ans. Parti comme ça. Tu es là. Je n'y crois pas. Tu es là, tu es là. Tends-la-moi ta main si douce. Tu es là. Tu n'y sois pas. C'est fou de pouvoir partir comme ça. C'est si fou qu'on t'arrache de moi comme ça. Maman, de te revoir et de t'embrasser comme tu me le faisais lorsque j'étais peinée. Je prie de reprendre ces caresses que j'ai tellement repoussées, maman. Je te comprends. Mais n'est-ce pas trop tard? Tu me manques. Chaque fois que j'écoute cette chanson-là, il fait comme moins 40 dans le studio. Les frissons me poignent, le poil me relève. Très, très belle chanson. Écoutez, c'est magnifique, tiré de son album « Comme tu es ». Marie-Claude McDonald, que j'ai pas de nouvelles, elle non plus. Il va falloir qu'on mette un homme là-dessus à savoir qu'est-ce qui se passe avec la charmante Marie-Claude McDonald, auteure, compositrice, interprète de grand talent du Manitoba. Je sais qu'elle avait plusieurs petits projets